je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Qu'arrive le soleil quand je prends sa tête entre mes mains. Je vous jure que j'ai du chagrin et je me demande si cet amour aura. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête, non, et je ne suis plus d'ici, ah, je ne suis plus d'ici. Pour que le destin m'en sorte, je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage et elle me force à parler son. Sa tête entre mes mains. Je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour.